Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 56. Bienvenue à toi dans ce monde archiloufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 10 décembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es jaune à New York et rouge à Hong Kong. Tu es compteur euro-kilométrique, tu es coincé dans le trafic, tu es changement de tarif sur le périph, tu es sous la protection de Saint-Christophe et tu es aussi... Les chauffeurs de taxi exercent un métier extraordinairement difficile et contraignant. Et même, hélas, souvent dangereux. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es chauffeur de taxi, tu es taxi driver. Aujourd'hui, la France compte à peu près 45 000 taxis répartis sur l'ensemble de son territoire. Alors que ce soit pour trimballer un VRP de la gare Montparnasse à la gare de Lyon en passant par Saint-Ouen, ou pour conduire Mémé chez son gastro-entérologue tous les vendredis, le quotidien des chauffeurs de taxi consiste à croiser les tranches de vie. C'est ainsi que ce matin, la panique au Mangin Palace, toujours friande des petites histoires, a donc décidé, pendant 53 minutes, de s'installer sur la banquette arrière d'un taxi en maraude. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle des taxi drivers. Pour commencer, de la chaise à porteur à l'automobile équipée d'un compteur, il faut retracer l'histoire de ces professionnels payés pour te transporter. Ensuite, nous chercherons à saisir ce qu'est le quotidien d'un chauffeur aujourd'hui au volant de son taxi. On enchaînera justement sur une petite surprise de Pierre Desproges qui viendra nous raconter sa rencontre avec un chauffeur de taxi. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons la raison des courses folles de Ségolène Royal dans les taxis parisiens cette semaine. Et enfin, te raconter comment vendredi dernier, Jean-Claude a dû remplacer Freddy, frère de Monique et artisan taxi. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et le compteur tourne. Torso here, hot guy. got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, blowing, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, can't think, quit it. Stomp on a scoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. Groove is in the Heart chante en 1990 le groupe D-Light. Groove is in the Heart, le groove est dans le cœur parce que c'est clair, quand dans un taxi t'as mal au cœur, il faut que tu grooves un peu la fenêtre. Alors cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission à ceux que tu payes pour qu'ils te transportent dans leur bagnole, à savoir les taxis. L'origine des taxis se retrouve sans doute dans les chaises à porteurs, un véhicule rudimentaire pour le transport urbain. Mais c'est surtout dans les voitures hippomobiles que l'on peut reconnaître l'ancêtre de nos taxis. Les premiers services de voitures de louage, le plus souvent pour de courtes distances, sont organisés à Paris au XVIIe siècle et connaissent un succès considérable jusqu'au XXe siècle, dis donc. Le fiacre arrivait de Guilbert. Les trottinots, qu'un diable plat. Un fiacre à les trottinots jaunes avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, qu'un diable plat. Derrière les stores baissés, on entendait des baisers. Et oui, on pouvait entendre bon nombre de baisers, puisqu'en 1890, c'est près de 2000 fiacres qui circulaient dans les rues de Paris. Mais à la fin du 19e siècle, les voitures hippomobiles subissent la concurrence des automobiles, innovation majeure de la deuxième révolution industrielle. C'est alors l'apparition des taxis au sens moderne, car le taxi, c'est à la fois un véhicule et une personne dont le nom a pour origine une machine, le taximètre, qui calcule le prix à payer en fonction de la distance et du temps. Cette machine, inventée à la fin du 19e siècle donc, c'est une révolution pour le transport privé de passagers. Jusqu'alors, c'était la durée et surtout les tractations avec le cocher qui fixaient le prix d'une course. Les véhicules à moteur dotés d'un compteur s'installent rapidement dans le paysage urbain à tel point qu'ils deviennent même indispensables comme à Paris en septembre 1914. À la rentrée au garage, les chauffeurs ont été réquisitionnés pour emmener des troupes sur le front de la Marne. De la Marne. Réquisitionnées par le général Gallienne. Oui, c'est ça. Ces chauffeurs sont rentrés, ont fait le plein d'essence, ont mis la voiture en ordre de marche parfait et sont partis avec 5 poilus, ceux qu'on appelait les poilus à ce moment-là. Vraiment, en effet. C'est vraiment poilus. Et les voilà qui honorent la génération de 14, qui est toujours celle des chauffeurs de taxi. Et ils ne se demandent pas. Ils sont peut-être un peu bourrus dans le civil. Mais enfin, ils ont tout de même leur petite valeur. On ne l'oublie pas parce que les bourrus sont toujours des tendres. Les bourrus sont toujours des tendres. Tu t'en rappelleras la prochaine fois que tu prendras un taxi qui fait la gueule. Ainsi, au début de la Première Guerre mondiale, les taxis ont sauvé Paris, menacé par l'avancée des Uhlans allemands. Les taxis de la Marne ont transporté plus de 5000 soldats sur le front. Mais attention, c'est pas du tout comme on l'a dit. Les taxis de la Marne! C'est pas du tout comme on l'a dit. Tenez, mon père était soldat à l'époque, il m'a raconté comment ça s'est passé. Il m'a dit les taxis de la Marne, c'était écrit. C'était écrit dans le manuel du parfait soldat. Pour gagner la Marne, prenez un taxi. Alors mon père, il a arrêté un taxi, il a dit taxi, le chauffeur. Il a dit où allez-vous? Mon père a dit je vais sur la Marne. Il est monté dans le taxi, en cours de route, il jette un coup d'œil sur le compteur, qu'est-ce qu'il voit? 250 francs d'IAL, maintenant il faut payer le taxi. Il est allé voir le capitaine, il a dit mon capitaine, qu'est-ce qui va payer le transport? Alors, capitaine a dit, alors vous aussi. Alors, tout le monde a pris un taxi. Il a dit, il n'y a que moi qui suis venu à cheval, alors. Eh oui, au XXe siècle, le taxi se démocratise, tout le monde prend le taxi. D'ailleurs, le nombre de véhicules ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre 30 000 au début des années 30 à Paris. C'est l'époque des chauffeurs russes, fuyant la révolution bolchévique, mais aussi des uniformes avec la casquette et bien sûr des célèbres G7. Une époque déjà révolue dans les années 1950. Une image attendrissante de Paris, Tommy Franklin, c'est celle de la fin de ces G7. La fin de ces G7, c'est fini. Un peu déçué, mais majestueux. Ils étaient bien quand même. Ils étaient bien, on était bien assis dedans. Eh bien, voyez-vous, j'ai cru qu'il fallait quand même savoir pourquoi on a supprimé les G7. Et je crois tout simplement que c'est pour la question de l'esthétique. Car évidemment, elles n'étaient plus très actuelles, ces voitures. C'était le meilleur taxi qui existait. Bon, mais au point de vue confort, c'était excellent pour le client. À ce moment-là, oui. Mais vous pensez que bien plus intéressant que les voitures récentes, il baissait sa tête, il montait dedans, franchement. Tandis que maintenant, vous baissez la tête et vous ne montez pas du tout. Et puis vous ne pouvez plus sortir, monsieur, vous ne pouvez pas vous extirper de là-dedans. Sans parler de questions de marque ou de compagnie. C'est ça que je ne veux pas, moi. Oui, c'est j'ai ça. J'ai pas plus d'action chez Panhard que chez Citroën, que chez Renault, nulle part. Quoi qu'il en soit, plus de G7, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. La Renault G7, voiture mythique des taxis parisiens, a disparu en 1956. Londres a ses Black Cabs Austin, New York, ses voitures jaunes, et Hong Kong, ses taxis rouges. Mais Paris n'a pas réussi à donner une identité visuelle à ses taxis. En revanche, pour la sécurité, pour les tarifs et aussi pour le recrutement des chauffeurs, l'histoire des taxis est marquée par un renforcement du contrôle administratif. Par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, une époque aujourd'hui révolue, ce qui permet le plus souvent de devenir chauffeur de taxi... C'est piston, qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste? C'est piston, qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris? C'est piston, qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie? C'est piston. Mais il est loin désormais le temps où il suffisait d'avoir du piston pour obtenir sa licence de taxi. Car les chauffeurs sont aujourd'hui choisis avec soin par les compagnies de taxi. En outre, la préfecture exige que les chauffeurs soient titulaires d'un certificat de capacité. Pour l'avoir, il y a des épreuves pratiques et des épreuves orales. Une vraie sélection rigoureuse qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas n'importe qui peut faire le taxi. Tenez, l'autre jour, je charge un maghrébien du côté de la Muette. Parce qu'ils habitent les beaux quartiers, faut pas croire. Oui. Il me dit Orly, je me dis chouette, en blague, il s'en va. Il allait en chercher 6 autres. Ah oui, ça c'est... Il est bas, toi, votre taxi? La décoration, c'est mon violon d'Inde. Ah oui? Mon appartement rue des Alouettes, c'est pareil. Vous voyez, style tropical. Oui, belle ville tropicale, un peu. C'est ça. Ouais. C'est du zèbre, hein, ça? C'est du faux. Le vrai, c'est interdit. D'après les écolos, que ça provoquerait l'extraction de la race. Ah oui. Vous êtes dans la musique? Non. Les musiciens, c'est les seuls riches qui ont l'air de faucher. Je suis pas musicien, je suis tire-fesse. Alors pourquoi vous avez une trompette? Mais c'est pas une trompette, c'est un saxophone, c'est pour emmerder les voisins. Eh oui, cette image stéréotypée du râleur inculte ne correspond plus tout à fait aux chauffeurs de taxi d'aujourd'hui. Il n'est qu'à regarder le nouveau joujou des taxis, le GPS. Un truc hyper compliqué pour donner l'itinéraire. À tel point que la plupart du temps, la course est terminée alors que l'appareil n'est toujours pas réglé. Le GPS, c'est un truc numérique, un soupir s'y échappe et il n'y a même pas un écran géant. Un écran géant, dis donc. Cherchez le garçon. chercher le garçon. C'est ce que font sans détour Mirvais et Daniel Darc à bord de leur Taxi Girl New Wave en 1980. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire des taximètres, poursuivons notre itinéraire préféré, toujours en direct du Mangin Palace, en nous intéressant quelques minutes, mon ami, à la vie d'un chauffeur au volant de son taxi aujourd'hui. Pour devenir un taxi driver, il faut être avant tout pété de thunes ou alors s'endetter sur 30 piges. Car cette petite licence qui permet de décorer ta bagnole d'un joli lumineux coûte en moyenne extrêmement cher. 100 000 euros à Rennes, 165 000 euros à Paname, 200 000 à Cannes ou encore 250 000 euros à Nice, Côte d'Azur. Rien que ça. Cela dit, à Nice, avec tous les vieux, tu dois fichtrement bien bosser en taxi. Mais alors que faire si tu es jeune et que la banque refuse de te prêter de l'oseille pour acheter ta licence? Eh bien, tu n'as guère le choix. Si tu veux devenir malgré tout un chauffeur de taxi, tu dois te faire salarier par une compagnie de taxi qui, elle, te confie une voiture et pour qui tu roules. En gros, elle t'exploite. Seulement voilà, bien entendu, tu n'es plus ton propre employeur et très logiquement, tu dois passer un entretien d'embauche. Pourquoi vous voulez faire le taxi? Je dors pas la nuit. Faut aller voir les films porno. Ça aussi, j'ai essayé. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Bon, je passe la nuit dehors, je me balade dans le métro, les bus, alors je me suis dit, bon, rôder pour rôder, mieux vaut être payé pour ça. Vous feriez la grande banlieue et... N'importe quoi, n'importe quand. Bon, alors faites voir votre licence de chauffeur. Et votre dossier conducteur. Il est net. Clair et net, comme ma conscience. Vous voulez me mettre en boîte? Ce qu'il y a de moche avec les types comme vous, c'est qu'ils veulent tout le temps me mettre en boîte. Alors si vous êtes là pour me mettre en boîte, vous gênez pas, la porte est grande ouverte. Alors, je m'excuse, j'ai dit ça comme ça. Eh oui. On peut toujours rêver, mais bon, même dans une compagnie de taxi, un patron, ça reste un patron, hein. Alors, une fois la voiture entre les mains, le jeune chauffeur commence à apprendre le métier de taxi et découvre immédiatement ce ballet incessant des clients sur sa banquette arrière. Ça descend, puis ça remonte et puis ça redescend. À droite, à gauche, en arrière, en avant. Constamment, tout remonte et redescend. Ça monte et ça descend. Le chauffeur de taxi voit ainsi passer des dizaines de clients sur sa semaine de boulot. Toutes sortes de clients d'ailleurs. Le notable de province qu'il faut conduire de la gare Montparnasse à Pigalle. Le touriste américain qu'il faut conduire, lui, de Roissy à Pigalle. Ou encore un député qu'il faut conduire du Palais Bourbon à la gare de Lyon en passant par le bois de Boulogne. Quoi qu'il en soit, chemin faisant, le client est souvent muet comme une carpe, mais il arrive aussi parfois qu'il soit bavard, le type sympa, quoi. Vous êtes content de votre bagnole, là? Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. C'est français? Oui, ça doit pas être cher, quoi. Ah, quand même? Ah, ben, ils s'emmerdent pas, hein. En marquise, ils trouvent des couillons pour payer, au bout de... Non, je dis pas ça pour vous, il y en a qui en ont besoin. En marquise, moi, je risque pas de passer pour un con avec ma bagnole, j'en ai pas, alors... Je paye pas d'essence, je paye pas d'assurance, je paye pas de vignette, puis pourtant j'en ai fait les kilomètres. Hein. C'est sûr, il faut se les fader, certains clients. Mais bon, heureusement, durant sa dure journée de labeur, le chauffeur de taxi retrouve quelques moments de solitude dans sa bagnole, moments qu'il met à profit pour se détendre en écoutant la radio, par exemple. Bien, alors maintenant une question de Madame Trou. Sacré Philippe. Eh, Madame Trou, dis donc, il faut bien viser, hein. Oui, alors je précise, Madame Trou de Limoges. Hein, oui, bon, heureusement que c'est pas de balle, sinon ça aurait été Madame Trou de balle. Mais non, tous les taxis n'écoutent pas forcément RTL. Ils écoutent Rire et Chansons aussi. Parfois France Inter, mais là, franchement, c'est beaucoup plus rare. Cela dit, la nuit, les chauffeurs de taxi écoutent d'autres radios. En général, des stations musicales, du jazz, de la musique classique ou des vieux tubes qui font que l'atmosphère du taxi n'est pas tout à fait la même que celle de la journée. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans un taxi, la nuit, il se passe de drôles de trucs. Taxi au coin de la 48e et de la 6e. Viens à toi, ma belle petite pouliche. Et je peux pas me permettre d'être arrêté pour ivrer sur le volant. Ah, c'est hein? Vrai, ce hein? Serait dommage. T'auras un bon pourboire si tu fais bien ce qu'il faut. Oui. Hein? Tu dois savoir faire. Oh, oui, tu sais y faire. Oui, tout le... Dis donc, activez un peu taxi. À l'arrière des berlines, on devine pas de demi-dieu. Livré à eux, ils vont des petits, ils vont des envieux. Jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. T'imagines, il doit en voir des trucs, un chauffeur de taxi, dans son rétroviseur la nuit. Tu me diras, au bout de 30 ans de carrière, il ne doit plus s'étonner de rien à force de croiser toutes sortes de gens. Le taxi driver finit par connaître toutes les ficelles du job. Du coup, il appréhende toutes les situations avec une efficacité redoutable. Si t'es provincial, alors t'y comprends pas le métro. Comme t'y connais que dalle, je te fais payer plein pot. Si t'es japonais, en plein après-midi, je te rends pas la monnaie sur le tarif de nuit. Si vous voulez parler, j'ai lu un peu de philo, j'explique un peu anglais. Si vous voulez, je baisse la radio. Si je vous vois pleurer, je vous tends un mouchoir. Si vous voulez fumer, on se roule un petit pétard. Car je suis taxi, je gravis toutes les buts. Je suis les maréchaux pour les mecs qui vont barrer. Taxi prend de bagages, la prise en charge en sus. Si tu trouves ça dommage, t'avais qu'à prendre le bus. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur ce qu'est un chauffeur de taxi aujourd'hui, comment ne pas évoquer ici certaines grandes gueules des taxis parisiens? Le mieux, je crois, c'est d'écouter Pierre Desproges nous raconter sa conversation avec l'un d'entre eux, un Desproges féroce mais toujours jubilatoire. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement accompagné de la pulpeuse comédienne Valérie Mérès, avec qui j'aime beaucoup travailler, non pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu'elle a des nichons magnifiques. Nous grimpons dans un taximètre sans bien nous soucier du chauffeur, un monotone quadragénaire de type romorantin, coupe rosée de frais, et poursuivons une conversation du plus haut intérêt culturel, tandis que le taxi nous conduit vers le Châtelet. Mais alors que rien ne le laissait prévoir, et sans que cela ait le moindre rapport avec nos propos, qu'il n'écoutait d'ailleurs pas, cet homme s'écrie soudain « Ah ben moi, les Arabes, je peux pas les saquer !» Ignorant ce trait d'esprit sans appel, ma camarade et moi continuons notre débat. Pas longtemps. 30 secondes plus tard, ça repart. « Ah ben moi, les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans, ah ben merci bien. Ah les salauds, hein. Alors leur musique à la con, merde. Hein. Alors vous me croirez si vous voulez, hein. C'est le père qui a dépucelé la fille aînée. Ah ça, c'est comme ça, c'est les Arabes. Alors ce coup-ci, je craque un peu, je me retourne et je dis, « Monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. » Ah bon, ah, remarquez, votre père, je dis pas. Hein. Ah, il y en a des instruits, hein. Et puis vous, on voit bien que vous êtes propre et tout. D'ailleurs, je vous ai vu à Belmar. D'ailleurs, je le dis parce que je le pense, vous n'avez pas une tête d'arabe. Hein, ça. Et ça, c'est, croyez-moi, c'est l'éducation. Remarquez, vous mettez un arabe à l'école, hop, il joue du couteau. Et il empêche les Français de bosser, hein, ça. Ah, là, c'est vrai, ça. Bon, alors voilà, 67 rue de la Verrerie, nous y sommes. Ça nous fait 32 francs. Je lui donne 32 francs. Ah, ben, vous n'êtes pas généreux, vous, alors, elle pourliche. Ah, c'est comme ça, me venger, j'en faim. Je ne donne pas de pourboire au blanc. Jamais. Alors cet homme, tandis que nous nous éloignons vers notre sympathique destin, baisse sa vitre et me lance « Crève donc, eh, sale bicou !» à moi qui fais ma première communion à la Madeleine. Say that you'll stay a little. Don't say bye bye tonight. Say you'll be mine. Just a little bit of love is worth a moment of your time. Knocking on your door just a little. It's so cold outside tonight. Let's get a fire burning. Oh, I know I'll keep it burning. time when you do it right. Don't be afraid of a little bit of pain. Pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby, you see. I can be all you need if you stay. Save Room chante le soulman John Legend sur son nouvel album intitulé Once Again. Once Again, encore une fois, c'est un peu ce que tu ressens quand tu cherches à héler un taxi et que c'est le 15e occupé qui te passe sous le nez. Raté, encore une fois. Alors, pour poursuivre notre course, tarif A, dans l'univers très particulier des taxis, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin, à 11h31, de te dévoiler quelle est en ce moment la grande interrogation de Nicolas Sarkozy. En effet, ce qui tracasse le plus le candidat ministre de l'Intérieur, c'est de savoir pourquoi Ségolène Royal prend un taxi tous les matins à la gare Montparnasse alors qu'elle dispose d'une voiture de fonction avec chauffeur. Ainsi, mercredi dernier, Nicolas Sarkozy, méconnaissable, avec une fausse moustache et des lunettes de soleil, s'est rendu à la gare Montparnasse. Il s'est glissé juste derrière Ségolène dans la longue file de passagers attendant un taxi. Ségolène semblait très concentré dans cette foule. Nicolas, lui, ça le changeait de ses gardes du corps omniprésents. D'être là dans la file d'attente des taxis, là, comme ça, Nicolas, ça l'amusait. Tout le monde s'éclate à la queue leu leu. Tout le monde se marre à la queue leu leu. Tout le monde chante à la queue leu leu. Tout le monde danse à la queue leu leu. Nicolas Sarkozy fait donc incognito la queue derrière Ségolène pour prendre le taxi. Il veut absolument savoir ce que sa rivale vient faire dans un taxi tous les matins. Au moment où Ségolène s'apprête à embarquer, Nicolas Sarkozy tend l'oreille pour écouter la candidate PS dire au chauffeur « Hello taxi, je suis pressée aujourd'hui. Emmenez-moi à l'autre bout de Paris. » Ségolène est donc installée sur la banquette arrière d'un taxi qui démarre. Bien décidé à suivre la voiture de Ségolène, Nicolas Sarkozy s'engouffre alors dans le taxi suivant. Bonjour, Johnny Taxi Vision. Où dois-je vous conduire ? Démarre ! Démarre, vite ! Veuillez répéter votre destination. Oh, n'importe où, fonce ! Fonce ! Pouvez-vous me donner la rue et le numéro ? Vache ! La vache ! Je ne connais pas cette adresse. Veuillez répéter, s'il vous plaît. Johnny, Taxi Vision. Nicolas est donc monté dans un taxi afin de suivre un autre taxi, celui occupé par Ségolène Royal. Hélas, le chauffeur de Nicolas est beaucoup plus lent que celui de Ségolène. Alors Nicolas explique désespérément à son chauffeur que... Je suis... Nicolas Sarkozy a beau dire qu'il est pressé, rien n'y fait. Quand il rejoint enfin le taxi qu'avait pris Ségolène, la candidate est déjà descendue de la voiture. Le mystère reste entier. Pourquoi Ségolène Royal prend-elle un taxi tous les matins alors qu'elle n'en a pas besoin ? Ce n'est quand même pas pour la conversation du chauffeur, se dit Nicolas. Et chauffeur de taxi alors ? Ces gros râleurs là qui vous prennent que quand ça les intéresse ? Qui vous engueulent quand vous avez pas la pointe, que le pourboire n'est pas à leur goût ? Hein ? Et puis alors vas-y que je te picole dans les cafés à te faire exploser un alcotest, hein. Vas-y que je te râle sur l'OM, la sécu, et puis avec les flics, hein. Et bah sécu et chemise avec les flics, les rois des balances, fournisseurs officiels. Et alors pour peu que le gars soit marié avec une concierge, c'est la totale, là vous avez un couple à gagnant là. Vous êtes pas marié avec une concierge au moins ? Non ? Et bah vous me rassurez là ! Mais Nicolas Sarkozy, plus curieux qu'un chauffeur de taxi et qu'une concierge réunie, décide d'aller encore plus loin pour savoir enfin ce qui pousse Ségolène à prendre le taxi tous les matins. Demain, il se rendra à nouveau à la gare Montparnasse. Le lendemain, Nicolas se retrouve une nouvelle fois dans la queue des taxis à la gare Montparnasse. Ségolène Royal attend juste devant lui et Nicolas fait de son mieux pour ne pas être vu. La file est longue, mais Ségolène, toujours très concentrée, ne semble pas s'impatienter. J'attendrai. Après une demi-heure d'attente, Ségolène monte enfin dans un taxi. C'est alors que Nicolas décide d'agir. Il bondit hors de la foule, ouvre le coffre du taxi de Ségolène et s'y engouffre. Il va enfin pouvoir entendre ce qui se passe dans les taxis pour Ségolène. Nicolas tend l'oreille et entend ceci. Allô taxi, la route est longue, fais le plein pour le tour du monde. Tu vas voir comme c'est joli. La folie serait de ne pas faire de folie. Vive la vie, que c'est bon la vie. Nicolas est toujours planqué dans le coffre du taxi pour espionner la candidate PS. La conversation est peu audible du fait de la circulation. Cela dit, ce qui se dit dans ce taxi semble plutôt assez banal. Mais soudain, Nicolas entend le chauffeur dire à Ségolène: positif, attentif, tu dois être pour être au bon niveau. Au souci, dit bye bye. Ton ancienne vie, bye bye. Au passé, dit bye bye. Tout ce qui est écrit, bye bye. À chaque peine, bye bye. Ta tristesse, bye bye. À ses pleurs, bye bye. Chante avec moi, bye bye. Yeah. Et là, c'est comme une révélation pour Nicolas Sarkozy. Si Ségolène Royal prend le taxi tous les matins, c'est pour trouver des idées pour sa campagne présidentielle. Tout s'explique. Les 35 heures de présence pour les profs, les jurys populaires, les déclarations de politique internationale, tous ces trucs donc en dehors du programme officiel du PS, eh bien tout vient des chauffeurs de taxi. Nicolas, ça le fait bien sourire ce procédé de Ségolène, parce que lui aussi, pour trouver des idées, il prend le taxi, comme ce fut le cas à l'automne 2005. Je suis un de vos plus fervents supporters, vous savez. D'ailleurs, c'est bien simple, à tous ceux qui montent dans ce taxi, je leur dis qu'il faut voter pour vous. Je suis très touché. Je suis sûr que vous serez élu. La plupart des gens que je connais voteront pour vous. Si je vous disais que j'ai failli mettre un de vos autocollants dans mon taxi, mais du coup la compagnie a dit que c'était contre sa politique. Remarquez, ces gens-là, ils connaissent rien. C'est une bande de gugus. Je vais vous faire un aveu. J'en ai beaucoup plus appris en prenant des taxis qu'en montant dans des limousines avec chauffeur. Ah oui ? Quel est selon vous le domaine où ça va le plus mal dans ce pays ? J'en sais rien. Vous savez, les affaires politiques, faut être dans le coup, hein. J'en sais rien. Celui qui va devenir président, faudra qu'il passe sa serpillière. Vous voyez de quoi je parle ? Je crois que le président, il faudra qu'il prenne le taureau par les cornes et qu'il foute la mer dans l'air. Il n'y a pas autre chose à faire. Eh oui, le Karcher et la racaille, ça vient d'un chauffeur de taxi. Voilà l'ami, tu sais maintenant qui sont les éminences grises. Non, ce ne sont pas les énarques, les vrais conseillers. En France, les VIP, ce sont les taxis à 100%. Ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu fais. drôle, samedi trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, hi-fi, Dolby, Botox, glamour, sexy, crazy. Petro VIP. VIP, c'est ce que te propose Philippe Catherine sur son album intitulé « Robot après tout ». 100% VIP, c'est aussi la clientèle des taxis Prestige à la sortie des aéroports de Paris qui te conduisent en ville en grosse bagnole, intérieur cuir et vitre teintée pour 300 boules seulement. Alors, pour prolonger maintenant notre course folle sur la banquette arrière des taxis, il est grand temps désormais, à 11h42, de retrouver nos deux berlines, les inénarrables Monique et Jean-Claude. Avant-hier, vendredi donc, Jean-Claude s'est proposé de remplacer Freddy, frère de Monique, et artisan taxi en région parisienne, puisque ce dernier devait lâcher son affaire pendant 24 heures pour des examens médicaux bénins. Jean-Claude, qui a toujours rêvé d'exercer ce métier, a vu là une occasion en or d'être chauffeur de taxi pendant quelques heures. Monique, elle, était ravie de passer le week-end chez son frère. C'est ainsi que jeudi soir, Jean-Claude et Monique sont arrivés chez Freddy, en région parisienne donc, et au dîner, pour se rassurer bien sûr, Jean-Claude a souhaité que Freddy lui raconte vite fait les rudiments du métier. Ce à quoi Freddy lui a répondu que grosso modo... Je prends les gens qui rient, qui pleurent, qui défilent dans le rétroviseur, les travelots qui perdent leur bar, les messieurs qui s'en vont au bois. Les noirs qui se marrent, les femmes qui se barrent, des gars qui boivent dans tous les bars. Je les surveille du coin de l'œil, pour pas qu'ils gerbent sur mes fauteuils. Je mets au lit tous les zombies, ceux qui marchent seuls sous la pluie. Je fais le taxi de nuit. Bon. Ça commence bien, se dit Jean-Claude. Personne ne lui avait dit que Freddy faisait le taxi de nuit. Quel escroc, celui-là. Mais bon, qu'importe. Jean-Claude ne va pas se dégonfler et se dit même qu'il peut être amusant de croiser tous ces gens bizarres. C'est ainsi que vendredi, donc. Jean-Claude prend son service à 18h. Il fait nuit et il est au volant du taxi de Freddy. Il patiente à une borne, placé devant l'entrée d'un supermarché dans le 11e arrondissement de Paris. Quand, tout à coup, une femme interpelle Jean-Claude. Vous êtes taxi-taxi ou taxi sympathique? Il est du genre taxi super sympathique. Qui ouvre la porte aux dames, qui fait pas mal au cœur quand il conduit, qui ne bavarde que quand on lui demande et qui porte même les paquets si c'est demandé gentiment. Merci, c'est parfait, parfait. Alors, où on va, ma petite dame? Vous voyez la maison là-bas au bout? La rose, avec la grande porte cochère? Oui, je la vois, oui. La rose. Et bien, c'est là qu'on va. Et vous avez sûrement un chemin préféré pour y aller, non? Ok. Jean-Claude vient donc de se faire renfler comme une bleuzaille, puisque sa première course de taxi-driver va le conduire 800 mètres plus loin pour un montant maximal de 5,50€, sans pourboire, bien sûr. Mais bon. Après avoir déposé cette gentille dame devant l'entrée de son immeuble, Jean-Claude remonte illico dans son taxi, enfin, celui de Freddy. C'est pas vrai, hurle Jean-Claude, cet abruti de Freddy a oublié de faire le plein. Et voilà Jean-Claude en panne sèche sur les boulevards parisiens. Un jerrycan à la main, Jean-Claude se lance donc à la recherche d'une station-service. Au même moment, vers 19h, Cynthia, candidate de la Star Academy, doit impérativement rejoindre au plus vite les studios de TF1 pour participer à la demi-finale du Prime. Mais voilà, c'est le bordel et Cynthia désespère. Je ne peux plus rester sur ce trottoir, des vieux messieurs m'ennuient. Je marche un peu en cherchant au hasard. Tiens, manquait plus que la pluie. Et pas de taxi pour me sauver la vie. Et pas de taxi pour m'emmener jusqu'à lui. C'est alors que Jean-Claude, qui a finalement résolu ses problèmes d'essence, croise Cynthia, candidate de la Starac, donc, qui est ravie de tomber sur Jean-Claude et son taxi. Chemin faisant vers les studios de TF1, Jean-Claude découvre alors les activités de sa nouvelle cliente. Alors vous êtes artiste, à votre âge. J'ai surtout besoin de gagner ma vie. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, je danse et je chante. Et j'aime mon métier. Vous appelez ça un métier ? Ah, les enfants, moi aussi, j'ai une fille. C'est un ange. C'est plutôt le garçon qui m'en fait voir. Ah, vous avez un fils ? Ah oui, il me donne du fil à retordre. Ben, y a une chose qui m'épate, vous autres, les artistes. Vous avez pas un sou et vous prenez des taxis. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. J'étais en retard à la répétition. J'aurais pu me faire envoyer. C'est pas sérieux, ça, d'être en retard. Ben, voyez, vous allez arriver à l'heure. On arrive. C'est donc grâce à Jean-Claude et son taxi que Cynthia a pu participer au Prime sur TF1 vendredi soir. En revanche, Jean-Claude n'a rien pu faire contre l'élimination de sa cliente, puisqu'au final, Cynthia a été lourdée de la Starac vers 23h15. Mais bon, ça, Jean-Claude, il s'en fout complètement et il a bien raison. C'est alors qu'arrive son troisième client de la soirée, un quadragénaire fringant qui rentre chez lui, avenue de l'Opéra. Seulement voilà, c'est vendredi soir, la circulation est dense et le taxi de Jean-Claude se retrouve coincé dans les embouteillages. Sur ce, le client affable engage la conversation et demande à Jean-Claude « Comment ça se passe en ce moment, le boulot de taxi ?» Jean-Claude, qui refuse de lui avouer qu'il fait un remplacement, lui répond que... On va par-ci, par-là, suivant l'heure et l'endroit. Nous les taxis, on a tous les droits. Le compteur tourne, tourne, le chien aboie. Ça met les clients tout en joie. Le compteur tourne, tourne, et si par cas, ils se mettent en colère. J'ai mon revolver pour leur mettre la tête à l'endroit. Ça y est, en pleine confiance, Jean-Claude se prend pour Robert De Niro dans Taxi Driver. C'est ridicule, se dirait Monique. Enfin bon, la circulation finit par se débloquer et Jean-Claude en profite alors pour appuyer sur le champignon, ce qui fait immédiatement réagir son client. Dites-moi, elle fait plutôt un joli bruit pour un taxi. Connaisseur ? Amateur. J'ai récupéré un V6, après je l'ai vitaminé un peu, quoi, histoire de lui faire la voix, parce qu'un V6, ça ne demande qu'à chanter. Enfin, chanter, chanter, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort, hein. C'est limité à 50 partout, là. Vous parlez des panneaux, là, où il y a marqué 50 ? Ouais. Moi, je croyais que c'était pour les skateboards. Eh ben non, non, non, je crois que c'est pour tout ce qui roule, hein. Ouais, mais il y a rouler et rouler. Vous voyez, là, par exemple, je suis à 100. Bonne caisse, bon pilote, c'est tranquille, sans risque. Vous avez pas peur des radars ? Vous savez, monsieur, on sait où ils sont, les radars. Les poulets, ça aime pas bien le changement, hein. Ça picore toujours au même endroit. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a un, là, un peu plus loin. Regardez-les, tenez, vous les voyez ? Ah, ils sont pas fut-fut, hein, quand même. Photo ! Jean-Claude se dit que de toute façon, c'est le taxi de Freddy qui se fera coincer sur la photo des flics. Donc, rien à battre. Oui, sauf que 800 mètres plus loin, les forces de l'ordre font signe à Jean-Claude de garer son taxi sur le bas-côté. Le client se barre sans payer et très vite, Jean-Claude se retrouve dans le panier à salade pour remplir le procès-verbal avec le flic. Profession, je marque chauffard de taxi ou chauffard tout court ? À combien tu roulais là sur le boulevard ? Un petit 90. Bah ouais, ça paraît impressionnant comme ça parce que la voiture a de la reprise, mais en fait on n'avançait pas. Eh, hey, tu sais le taxi là ? On l'a rechopé sur les boulevards il n'y a pas 5 minutes. 190 km/h, il baisse. Eh ben tu vois, t'étais pas à 90, t'étais à 190. Bien sûr, Jean-Claude proteste, c'est le radar qui est pourri. Mais le flic ne supporte pas du tout d'être contredit par ce pignouf et lui dit que, franchement... Rouler en gardant le pied au plancher, prendre des risques insensés, en conduisant comme une brute. Rouler au mépris des lois établies, mettre en danger la vie d'autrui, pour gagner quoi ? Quelques minutes. Et rouler. Résultat, suspension immédiate du permis de conduire. Jean-Claude est furax, il est 2h du matin et n'a plus d'autre choix que de prendre un taxi pour rentrer chez Freddy en banlieue. Hier matin, au réveil, En apprenant que son taxi était à la fourrière, Freddy et Jean-Claude ont vraiment failli se bastonner. Monique, elle, était consternée par l'irresponsabilité de Jean-Claude. C'est ainsi qu'après quelques heures comme chauffeur de taxi, Jean-Claude va donc devoir repasser son permis de conduire. La belle affaire, fin de l'histoire. Du coup, toute la journée d'hier, Elsa, la fille de Jean-Claude, n'a cessé de se foutre de lui. Joe le taxi, tube du top 50 qui lança la carrière de Vanessa Paradis en 1988. Joe le taxi, un chauffeur à éviter car, comme tu le sais, il ne va pas partout. Allez, un petit effort. Vas-y, Joe. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre balade tarifée, il y a 55 minutes au compteur, prise en charge incluse. Du cocher sur son fiacre à Nicolas Sarkozy dans le coffre du taxi, des grosses têtes aux fipettes et de Robert De Niro, chauffeur à New York, à Jean-Claude, chauffard dans Paris, nous t'avons dressé un panorama subjectif, bien sûr, de ce que peut être la vie d'un taxi driver. Un type qu'on aime bien content de trouver parfois. Alors, on pourrait croire qu'une vie de taxi, c'est monotone. Mais pas du tout. Tiens, quand tu es taxi, par exemple, tu rencontres des gens différents sans arrêt, avec qui tu peux facilement partager tes opinions, tes goûts musicaux et Philippe Bouvard. Et puis, surtout, tu as la surprise de découvrir les objets oubliés par tes clients. Depuis 6 mois, il y aurait eu à Paris 20 000 téléphones portables retrouvés dans les taxis, ainsi que plusieurs centaines d'ordinateurs et quelques préservatifs usagés. Et oui, on peut perdre beaucoup de choses dans un taxi. Est-ce